je reste l'indécis. Un sujet, une voix, dans un monde où l'on ne vit toujours que le mot pourquoi. Une écriture apparente au milieu de ce système, de façon opérante et tout cela sans problème. Ne me classe pas dans un style, je ne vis que sur le flow. Avec mes frères de son, je pose regard dans mon rétro. Le passé a fait ma force, et qu'est-ce tu veux que je te dise? S'enliser dans le vécu avec des phrases bien plus précises. Le point dressé, ma rage en reste l'adrénaline. Une piqûre de rappel qui fait monter l'hémoglobine. À force de constater que l'humain tournera sa veste, je ne fais que m'appliquer à ne pas en bouffer les restes. Celui qui comprend sans jamais vouloir prétendre que tout est acquis, sinon il finira ensemble. Signification pour en garder toujours que son respect. Ne dessine pas le visage de l'autre si t'as pas son aspect. Liberté de mots, je les écris avec mon encre. Comme dans chaque ville où moi j'ai jeté mon encre. Deux airs hauts sur la prod et je pense que t'as compris que le rire n'est pas la cause sur ce tout ce que tu as pris. Lassitude de ce temps et j'en regarde les aiguilles défilant aussi vite et aussi fluide qu'une anguille. Maladie fait le hip hop et comme une addiction. Et même si t'es nul en maths, tu vois l'opération recousue de partout car il n'y a que des cicatrices. Affronter les obstacles dans cette putain de matrice. Finalité de l'ombre qui en recherche son soleil. La précision de voir et constater son sommeil. Rien de plus simple dans l'under et son histoire. Affronter ses démons, éviter de broyer du noir. Garde la foi car toi seul pourras vraiment t'en sortir. Entends-tu le bruit indéfini, celui de tes soupirs? J'écoute et regarde la masse qui s'explose. Sans doute le tracé est toujours d'une vie morose. Et ta dame qui me parle, et dois-je le crier? Quand on voit la quantité de ceux qu'on a pliés. Casanier de l'ancien qui n'en gardera que la clé. J'ai signé, fait mon temps et tout ça comme un appelé. Fais sonner le répondeur aux abonnés absents. Sur le flot de la déraison et de ses sentiments. Ne reste pas dans mes jambes, tu vas trébucher. Apprends à marcher seul et évite son bûcher. Fatalement, il n'en reste toujours que ses incompris. Des millions de ceux que je suis à qui on a tout pris. Dicté par le son, je n'en pose que mon emblème. Même si le quotidien fait toujours que ce n'est qu'un problème. Dédicace à tous ceux qui en gardent cet espoir. Le soutien est une force, on est plein dans ce couloir. Libertad, libertad mon frère. La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, grand singe? Je reste l'indécis, un sujet, une voix. Dans un monde où l'on ne vit toujours que le mot pourquoi. Une écriture apparente au milieu de ce système, de façon opérante et tout cela sans problème. Ne me classe pas dans un style, je ne vis que sur le flow. Avec mes frères de son, je pose regard dans mon rétro. Le passé a fait ma force, et qu'est-ce tu veux que je te dise? S'enliser dans le vécu avec des phrases bien plus précises. Le point dressé, ma rage en reste l'adrénaline. Une piqûre de rappel qui fait monter l'hémoglobine. À force de constater que l'humain tournera sa veste, je ne fais que m'appliquer à ne pas en bouffer les restes. Celui qui comprend sans jamais vouloir prétendre que tout est acquis, sinon il finira ensemble. Signification pour en garder toujours que son respect. Ne dessine pas le visage de l'autre si t'as pas son aspect. Deux airs hauts sur la prod.